répondre un peu plus loin avant de donner la parole aux collègues inscrits en préliminaire pour lancer les discussions. Hein. L'idée, c'est pas de faire un colloque avec des grandes interventions, mais juste d'ouvrir aussi des pistes de discussion, surtout qu'il y a beaucoup de monde très compétent dans la salle, et donc vraiment les interactions seront particulièrement utiles. Alors quelques mots sur la construction de cette séance dans le séminaire PDS. D'abord, le titre HAL et les autres archives ouvertes renvoie en fait implicitement à une tribune d'opinion qui est parue dans Libération sur ces questions et qui avait une position, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez des controverses sur HAL qui ont eu lieu début de l'année 2016 en particulier. Il y avait une série de tribunes qui sont apparues sur ces questions et il y en avait une qui pointait une des... Il y avait trois grandes positions politiques en présence et une qui s'exprimait bien avec cette expression HAL et les autres archives ouvertes. C'est-à-dire une position qui n'était pas opposée par principe au système HAL tant qu'il n'était pas associé à une obligation de dépôt et donc tant qu'il était, tant que ça, il apparaît comme une archive parmi d'autres possibles dans l'accès ouvert. Donc voilà, l'objet de cette séance était d'ouvrir une réflexion sur ces problématiques. Alors, d'archives institutionnelles ouvertes, mais plus largement d'accès ouvert aux publications scientifiques. Sur le système HAL en particulier, il y a très peu de bibliographies de sciences sociales. Enfin, c'est un checking systématique sur les bases de données, ça donne quasiment rien. Ce qui veut dire que les chercheurs n'ont pas encore réfléchi véritablement sur cette dimension. Alors il y a beaucoup plus de choses sur l'accès ouvert, sur le libre accès, enfin, voilà, mais sur le système HAL en particulier très peu, d'où le besoin aussi d'une co-construction, d'une réflexion critique sur ce domaine. Évidemment, réfléchir sur HAL, les archives ouvertes, l'accès ouvert aux publications, le libre accès au savoir, avec un regard critique, amène aussi à réfléchir sur les problématiques de gestion des données, protection des données personnelles, gestion des données de recherche, et la vaste problématique de la centralisation des données, et à partir de la centralisation, des divers usages possibles liés à cette centralisation. C'est pour ça que Chloé va commencer par nous en dire quelques mots tout de suite. Ensuite, l'un des problèmes qui apparaîtra, je pense, au cours de la discussion en liaison avec cette centralisation des données, c'est les possibilités d'évaluation néo-managériale, quantitative, des chercheurs individuels, des équipes de recherche et des établissements. À partir du moment où il y a le silo national se trouverait rempli, que ce soit dans une discipline, dans un établissement ou dans une catégorie quelconque, à ce moment-là, effectivement, une bibliométrie néo-managériale, à distinguer de la bibliométrie des bibliothécaires documentalistes, hein, une bibliométrie dédiée à la gestion des ressources humaines, en fait, est susceptible de se mettre en place, et c'est un des aspects qui nous ramène aussi à quelque chose dont Hugo est particulièrement bien placé pour nous parler, c'est la tendance générale à la quantification néo-managériale dans les systèmes universitaires, pas seulement français, internationaux. Voilà. Et ensuite, je passerai après Hugo la parole à Pablo sur, en particulier, quelque chose sur lequel on se rejoint bien, c'est-à-dire une sorte de double position analytique, mais aussi axiologique, en faveur de l'accès ouvert aux publications, donc, enfin, en faveur du libre accès au savoir, et à contrario, dans une posture d'opposition à la bibliométrie néo-managériale de gestion des ressources humaines dans la recherche. Et comment, un des problèmes, c'est comment arriver à concilier les deux positions par rapport au système HAL. Donc voilà, oui, tu lances le débat.